des fêtes, dans beau all-star. Tous les gars sociaux des halls, finis all-star. Dans beau all-star, finis all-star. Tu connais ma tête de terre, dans beau all-star. Tous les gars sociaux des halls, finis all-star. Dans beau all-star, finis all-star. Des parcours, hein, c'est jamais tout seul. Dans beau all-star, le coup de crosse, il part tout seul. Tout seul, des coups de craque dans le sous-sol. Ça fait du chiffre et personne ne soupçonne. Le souci c'est dans le ghetto, y'a pas de soupçon. 9-3, séquestration, demande de rançon. Ici, prête à tout pour des billets. Bon charade, plus de minuit, t'es pas grillé. Tu disais, t'allais pas commettre de délit. Voilà la portière, son chat floqué, ça c'est le délire. Un jour à la tête, tous en bas de la tête. Un, on braque la tête. Les comptes à la Tessie, on sait qui c'est. Trop équipé, les baisons c'est décidé. Oh, on est trop déter. On baisse l'état, on fait des gars. Un, on est trop clair. Tu connais ma tête, c'est terre. Dans beau all-star, tous les gars sociaux des halls, finis all-star. Dans beau all-star, finis all-star. Tu connais ma tête, c'est terre. Dans beau all-star, tous les cas sociaux des halls, finis all-star. Dans beau all-star, finis all-star. Durs sont les représailles, si tu veux nous test. Demande à Crotch qu'on vit tous les jours à la tête. La même ambiance qu'on ressent toute la journée. Dans le hall, les mêmes têtes qu'on voit défiler. Le bitume, ouais, je l'ai trop déjà pleine. Dans de jour en jour se dégrade. Nos bâtiments, on a la rage des HLM. Et vide, nous, nos parents trim. C'est la guerre en bas de chez nous, frère. C'est blanc, coach, 9-3 timbo. Façon mettre de test, ouais, ambiance ghetto. Durs seront les représailles à la cité. C'est la merde, demande à Mathieu ou à blindé. Cousin, tu sais pas ce que tu risques. Banlieue Nord, ville et quartier, au regard riche. Dédicace à tous ceux qui galèrent en bas. Tion 9-3, 150 raisons, faire un cash bar. Tu connais ma tête, c'est terre. Dans beau all-star, tous les gars sociaux des halls, finis all-star. Dans beau all-star, finis all-star. Tu connais ma tête, c'est terre. Dans beau all-star, tous les gars sociaux des halls, finis all-star. Dans beau all-star, finis all-star. D'abord, c'est illicite au bon char, illicite au terre. Et le rageux, trop difficile à faire taire. On rattrape le temps perdu au bon char. On saisit-toi, tester 9-3, c'est pas le bon choix. Nous voir, on traîne dans les all-stars le soir. L'emblème sur mon dos, c'est d'un beau all-star. 9-3, on embrouille les plus déterres, toi j'les premières bastos. J'rappe en miscarle à béton pour tous mes garçons. La cause dans mes propos, j'reste toujours probe. Quoi que tu dises, quoi que tu portes, résistance in the fog. A ce qui paraît, t'es déter, 2009 tu sors le clock. Ma tête c'est un beau et ma vie c'est blanc coq. Résistance, tu connais mon plat, la dinette. Si tu blablates, 9 mm au fat, la mère. Qu'est-ce que t'as? Partout c'est la même dans le ghetto. Dernier couplet, j'en place une HIHF photo. Tu connais ma tête, c'est terre. Dans beau all-star, tous les gars sociaux des halls, finis all-star. Dans beau all-star, finis all-star. Tu connais ma tête, c'est terre. Dans beau all-star, tous les gars sociaux des halls, finis all-star. Dans beau all-star, finis all-star. Blanc Côte Nord, ouais, dans beau all-star. C'est Rocha, match blindé. S.O.N, pull-up, M.H.D, ouais, ouais. J.H.F, Fetty, Hill, yes. Et tous les mecs de la test en beau hood. Hi J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J